Alors, bonjour à tous. Donc on va poursuivre le cours, bien sûr, là où je m'étais arrêté la semaine dernière. Mais avant ça, je voudrais faire deux communications, d'informations par rapport à l'organisation du cours. Première chose, que vous sachiez, que vous notiez, c'est donc la semaine prochaine, je ne pourrai pas être là. J'ai d'autres activités parallèles, enfin bon, c'est un lien des activités universitaires, donc c'est pas que j'ai une baraque à frites tournée, mais enfin bon, je suis éditeur et j'ai l'honneur de être président de l'association des éditeurs indépendants de Belgique, Espace et les créations, donc. À ce titre, je dois être à Paris la semaine prochaine, dès jeudi, puisque c'est l'ouverture de Paris Livre, donc le salon du livre à France. On va demander d'être là pour l'inauguration le jeudi soir et le salon le vendredi matin. Donc voilà, je ne peux pas encore, sauf à mettre au point d'ici là un hologramme, mais sinon, je ne pourrais pas être aux deux endroits en même temps. Ce qui n'est pas très grave, parce que j'ai revu un petit peu l'organisation du cours, donc on va. Je vais arriver à vous dire exactement ce que je vais vous dire dans les semaines qui nous restent. Alors, deuxième information, donc ça, notez-le, donc ne venez pas la semaine prochaine, ça ne sert à rien. Je signalerai aux différents secrétariats pour que tout le monde soit informé, bien sûr. Alors, deuxième information concerne, comme je vous le disais, j'essaie de vous montrer dès que je peux donc un documentaire. Qui n'a rien d'équivoque. Hein. C'est une équipe de télévision suédoise qui a donc fait ce reportage sur le monde de l'art à la fin des années 80, qui est un reportage assez formidable qui va tenir lieu d'analyse sociologique, mais qui en tout cas, en tant que document, nous permet vraiment de comprendre d'intérieur, de vraiment de mettre des images justement. Sur les théories et les concepts que je vais vous exposer pour en rendre compte, ce monde de l'art contemporain. C'est un documentaire qui est introuvable aujourd'hui, et c'est un documentaire que j'ai la chance d'avoir parce que je suis vieux, et donc j'avais encore un magnétoscope à l'époque pour enregistrer ce documentaire en trois parties. Lorsque ils sont passés sur Arte, du coup, moi j'ai des sous-titres français, ce qui en plus n'existe pas ailleurs. Voilà, évidemment, la qualité de l'image n'est pas toujours terrible, enfin, ça, il faut faire avec. Alors, j'avais donc dit que j'allais essayer de le mettre sur l'université virtuelle, de façon à. Parce que c'est quand même 3 fois 45 minutes. Et donc, je m'étais dit que je pourrais peut-être me dispenser de le projeter au cours, que vous pourriez le voir vous-même, etc., même si ça pose quelques problèmes de droit. Parce qu'en même temps, j'ai pas les droits sur ces documentaires, je suis pas censé les diffuser d'une façon ou d'une autre, même à l'université, même à des fins pédagogiques. C'est comme ça, même si je pense pas que associer les sujets dans la salle, mais je crois pas sinon que je risque grand-chose. Mais enfin bon, on sait jamais, et puis c'est pas correct. Bon, j'étais quand même prêt à le faire, donc pour vous dire les choses rapidement, ça marche pas. Ça marche pas parce que d'abord, j'ai déjà coupé en trois parties, mais chaque partie fait quand même. Je l'ai fait numériser en plus pour l'université. Chaque partie fait 1 giga, donc déjà pour le déposer sur le site virtuel, c'est un problème. Donc c'est la responsable elle-même qui s'en est chargée gentiment, qui a réussi à le mettre dessus, mais qui s'est rendu compte que c'était. Toujours impossible de le télécharger, de visionner ces films, donc elle leur envoie la balle maintenant au service informatique de l'ULB carrément pour trouver une solution, sachant que le système Smiley a été défectueux pendant plus de 4 ans d'affilée, donc je prends les devants et j'ai bien de vous passer au cours, ce sera possible. Donc aujourd'hui je vous passerai la première partie de ce documentaire, et dans 15 jours je vous passerai les deux dernières parties du documentaire que je commenterai bien entendu, puis il y aura les vacances de Pâques et là il nous restera encore 4 leçons, ce qui est juste, je ne vais pas faire le programme, enfin ce sera exactement ce qu'il nous faut pour voir alors les différents concepts de la sociologie de l'art, la manière dont ces concepts et théories s'appliquent au monde de l'art contemporain, permettre de comprendre justement ce qu'on aura vu dans ce reportage. Et alors de passer aussi en revue la troisième partie du cours, c'est-à-dire donc le rôle de l'artiste, la responsabilité de l'artiste dans la société, d'abord en envisageant ce qu'on appelle l'art sociologique, donc des artistes qui utilisent des outils, qui empruntent des outils ou des méthodes de la sociologie pour faire un travail artistique, mais qui a une finalité quand même soit de prise de conscience, de conscientisation, de sensibilisation, voire de réforme ou de changement social, mais un art aussi qui travaille sur les relations sociales, donc ce que Nicolas Bourriaud a appelé l'art relationnel, donc c'est la troisième leçon. Et dernière leçon portera plus directement sur, à partir de l'art public, la question de l'art public, l'art qu'on trouve sur les ronds-points, etc., dans les rues, donc cet art public, donc à partir de là, voilà, interroger ce qu'est à la fois l'art politique, l'art engagé, et aussi les différentes formes d'engagement politique et citoyen aujourd'hui dans la société. Donc voilà, je crois que tout ça en quatre leçons, c'est parfaitement bien programmé, il faut juste que l'autre ne soit pas malade, une leçon ici et là, mais sinon on va y arriver. Alors pas perdre plus de temps, donc je reprends là où j'en étais resté la semaine dernière, c'est-à-dire donc, j'en étais resté à l'effondrement du système académique. D'accord ? Vous vous souvenez ? Donc voilà, le système académique qui s'effondre, qui implose, parce que ça, voilà, il y a trop d'artistes qui sont en compétition, l'État ne peut plus vraiment garantir l'objectivité des jurys, il y a des contestations qui viennent de partout, il y a des salons parallèles, concurrents qui se mettent en place, les refusés, les indépendants, etc. Bon, bref. Ce système-là rencontre ses limites, en quelque sorte, et finit par s'effondrer, puisque l'État lui-même ne le cautionne plus. Et va s'en suivre une période alors qu'on qualifie de bohème, hein, qui est en fait une période de grande instabilité et de grande précarité pour les artistes, puisque non seulement le système académique s'est effondré, qui était quand même le premier marché pour les artistes, c'était là qu'ils pouvaient montrer leur travail, vendre leurs œuvres, avoir des commandes publiques, etc. Donc tout ça n'existe plus, tout d'un coup. Mais en plus, le monde a changé aussi. Le monde a changé, c'est-à-dire que, effectivement, la Révolution française, et puis la Révolution industrielle, sont passées par là et ont substitué, en quelque sorte, on va dire autrement, la bourgeoisie marchande et industrielle a pris, en quelque sorte, la place de l'ancienne aristocratie, qui est totalement exsangue, littéralement, c'est-à-dire non seulement... soit qui est passé par la guillotine, hein, donc, soit qui est ruiné. Donc à sa place, où s'installe plutôt dans ses meubles, cette bourgeoisie, qui n'a pas du tout les mêmes valeurs, qui n'a pas du tout la même éducation, la même tradition, notamment de mécénat artistique, de l'éducation artistique, que cette ancienne aristocratie qu'on finirait presque par regretter, même si la place qu'elle réservait aux artistes n'était pas si enviable. Mais enfin, bon, voilà, et au moins, elle permettait aux artistes de trouver des mécènes de vendre leurs œuvres, d'être reçus aussi dans certains cénacles, certaines cours, certains salons. Voilà. Les salons mondains, c'était des salons quand même aristocratiques la plupart du temps. Et évidemment, donc avec cette nouvelle donne, donc avec ce nouveau public, en quelque sorte, qui arrive, qui est plutôt réfractaire, hein, pour qui l'art, c'est à la limite, c'est un divertissement, quoi. C'est quelque chose qui procure un peu de plaisir ou un peu de délassement, mais c'est pas quelque chose qu'on prend très, très, très au sérieux. Et évidemment, c'est pas la même chose d'aller en plus défendre des courants novateurs en art, avant-gardistes, etc., dans un salon aristocratique ou dans un dîner bourgeois. Donc voilà, c'est pas une chose. Hein, comme chez Proust, qui montre très bien les Guermantes et les Verdurins. Bon, c'est pas la même chose, évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut porter les choses différemment. Voilà. Et donc, bon, pour dire les choses ainsi, alors, en un mot, donc, il va falloir une trentaine d'années, en gros, une trentaine, quarantaine d'années même, pour que se mette en place un embryon de marché de l'art tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des marchands qui soient acquis à la cause de l'art de leur temps, à l'art novateur de leur temps, mais pas seulement, parce que leur rôle désormais, c'est pas seulement de fournir des tableaux, des œuvres à une clientèle qui est déjà donc formée, éduquée, c'est aussi de former une nouvelle génération d'amateurs d'art, de collectionneurs, hein, qui vont être comment dire, qui vont être recrutés dans cette classe de la grande bourgeoisie, hein, qui elle-même d'ailleurs, comme je le disais, voulant se créer une forme de légitimité en tant que classe dominante, désormais, va aussi singer en quelque sorte ce que faisait l'aristocratie. Et donc, on va effectivement aussi commencer à faire des lignes mondaines qui ont un peu vocation de salon, où ils vont inviter les artistes, des poètes, des savants, etc. Bon, c'est pas tous des abrutis, hein, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté un peu parvenu comme ça qu'on moque, d'ailleurs, déjà à l'époque. Il y a un snobisme, bien sûr, aussi, hein, bon, voilà, avec ce côté un peu factice. Donc, faire comme si on s'intéressait vraiment, mais en réalité c'est juste, comme dirait Bourdieu, les profits de distinction qu'on peut en tirer qui intéressent les gens. C'est avoir un standing, quoi. C'est de montrer que voilà, on fait partie du beau monde, on connaît les arts, les artistes, même si on ne l'est pas nécessairement, même si on n'est pas féru de musique ou d'art ou de littérature. Et donc il y a du boulot. Donc ce que je veux dire, c'est que le marchand nouveau, ben, voilà, une figure. Donc j'ai évoqué la semaine dernière, je pense, les figures de Durand-Ruel, qui, voilà, d'Ambroise Vollard. Donc ce sont des gens qui, voilà, qui croyaient dans ces artistes, mais qui étaient eux-mêmes des investisseurs en quelque sorte. Donc ils achetaient les œuvres de ces artistes en grand nombre d'ailleurs, en spéculant ou en espérant en tout cas qu'ils ne se trompent pas et que ces artistes quelques années plus tard occupent le haut du pavé et donc leurs œuvres tout à coup puissent effectivement se revendre à bon prix. Donc c'était effectivement des spéculateurs, c'était des marchands spéculateurs. Mais c'est déjà une différence par rapport aux marchands anciens qui se contentaient effectivement, comme je disais, d'avoir de fournir des tableaux à sa clientèle, donc d'accrocher les tableaux, les gens venaient, ils achetaient ça ou ça. Bon, quasiment en partant avec le tableau sous le bras, le marchand avait passé une boutique, quoi. Ici, c'est plus ça. Il y a ces dimensions spéculatives, donc aussi un peu prise de risque, bien sûr, un peu entrepreneurial aussi, quelque part, donc voilà, qui change déjà. Et outre ces caractéristiques-là, il y a le fait, comme je le disais justement, que le marchand devient aussi un. Comment on va dire ça Ça devient quelqu'un qui doit former le jugement et le goût, qui doit être un modèle en quelque sorte, un initiateur. C'est-à-dire que le marchand, il doit, son travail, ça consiste à gagner la confiance de collectionneurs, des gens qui vont lui faire confiance, à qui il va pouvoir assurer que s'ils achètent les œuvres de ces poulains, eh bien, ils font bien parce que, voilà, donc ces œuvres sont. Leur investissement est garanti parce qu'effectivement il y a tout lieu de croire, et en tout cas, encore une fois, c'est ça le travail du marchand, c'est de faire croire ça, les assurer de ça. C'est qu'effectivement, ce sont des artistes qui sont promis un bel avenir et il vaut mieux les acheter aujourd'hui lorsqu'ils sont encore jeunes et inconnus plutôt que d'attendre le moment où leur prix sera inabordable. Bon, donc voilà, donc cette dimension spéculative, évidemment, arrive avec la mise en place de ce nouveau marché de l'art, hein, donc qui n'est pas juste du commerce, c'est vraiment de la spéculation. C'est pour ça que ce marché fonctionne vraiment comme une bourse d'ailleurs aussi, hein, c'est pas l'économie, c'est plutôt de la finance et un système boursier. Et Daniel Canveller, qui était le marchand des artistes. Notamment des cubistes, quand ce mouvement est apparu avec Picasso et Braque. Donc Daniel Canveller parle très bien de son métier. Il a écrit un livre de mémoire qui est recommande. Et de, il dit notamment ceci, en parlant de sa mission justement de marchand d'art, il dit donc qu'il s'oppose aux marchands de tableaux, anciens marchands de tableaux, qui fournissaient à ses acheteurs la marchandise qu'il désirait. Et il se décrit plutôt lui-même comme un marchand de tableaux qui offrirait à l'admiration publique des peintres que le public ne connaissait absolument pas et auxquels il faudrait frayer une voie. Voilà. Et donc là, on le voit très très bien. Le marchand se mue, se transforme en galeriste, c'est ce qu'on appelle un galeriste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fonction de marchand s'ajoute nécessairement une seconde fonction qui est celle d'agent. Le galeriste est à la fois le marchand et l'agent de son artiste. Ou l'impresario, si vous voulez. Enfin voilà, donc sur le manager, en fonction des différents domaines, on parlera plutôt d'agent pour les arts plastiques, mais voilà, mais c'est. La fonction, c'est celle-là. C'est plus seulement de le vendre, c'est de le représenter, c'est de le défendre, c'est de trouver les critiques qui vont en parler, et en bien, bien sûr, et plutôt les meilleures critiques dans les journaux qui sont le plus lus, etc., etc. Donc ce sont des faiseurs d'opinion aussi. Donc voilà. Donc c'est un métier complexe, et donc il faut effectivement bien faire cette distinction entre marchands, encore une fois, qui vend des pièces, qui cherche des clients, et le galeriste qui lui travaille sur le long terme en principe, en tout cas, si c'est un vrai galeriste, c'est un bon galeriste, et qui fait les réputations, qui fait les cotes. En connaissant tout le monde, donc effectivement en travaillant main dans la main, si je puis dire, avec la critique, avec les musées, avec les grands collectionneurs. Donc la critique va jouer aussi un rôle très important là-dedans. Qui naît effectivement avec le salon, donc voilà, on commence à écrire sur là, on essaie d'élaborer des critères de jugement, des jugements de goût, en quelque sorte, qui devient donc une sorte de science, voilà, proche de l'esthétique, hein, parce que la philosophie, en tout cas de l'esthétique. Avec des prises de position très fortes, parce que ces critiques sont eux-mêmes souvent écrivains, ils sont philosophes, aussi des fois ils ont des tendances nouvelles dans leur propre domaine, et donc ils jouent en quelque sorte des ententes avec les artistes dont ils parlent, et ils vont choisir évidemment des artistes qui sont un petit peu dans la même situation, dans la même configuration, dans la même mouvance qu'eux-mêmes. En art plastique. D'accord. Donc, si eux-mêmes sont plutôt des écrivains d'avant-garde, ils vont évidemment défendre plutôt des artistes qui aussi doivent se faire leur place et donc combattre les conventions, les choses un peu figées, comme ça. Donc voilà, donc il y a un livre de Dario Gamboni qui s'appelle La plume et le pinceau, qui documente ses relations entre critique et artiste et ses échanges de bons procédés, ses critiques, si je puis dire. Voilà, mais c'est une critique spécialisée. C'est pas les critiques d'art, historiens d'art, comme on va le voir par la suite, mais ce sont déjà des gens effectivement qui sont des vrais amateurs, des vrais connaisseurs d'art. Et puis effectivement, au XIXe siècle, ça va se professionnaliser, ces critiques d'art, ça va devenir effectivement des historiens de l'art qui se consacrent à la critique, qui rendent compte d'expositions. Dans les journaux, dans les médias, dans les revues spécialisées, qui vont créer des revues, qui vont écrire aussi parfois des manifestes, des pamphlets, donc qui vont prendre position. Donc une critique extrêmement pointue qui, elle aussi, fait l'opinion. Parce que le marchand lui-même, son boulot, c'est ça, mais évidemment toujours en sous-main, c'est-à-dire qu'il ne peut pas apparaître au premier plan, ça ne peut pas être lui, sinon on va attendre oui, forcément, il dit que c'est génial, c'est lui qui le vend, voilà. Donc tout ça, ça se fait un petit peu, voilà, donc. Il faut convaincre effectivement cette critique qui est assez puissante entre les années 30 et 60. C'est plutôt la critique qui a fait la plus beau temps dans le monde de l'art. Donc on chouchoute ces artistes, ces critiques, pardon. Et puis, fin des années 70, début des années 80, tout va basculer. pas juste le monde de l'art, c'est le monde entier qui bascule dans les années 80 avec. Parler du contexte, hein, puisqu'on fait la sociologie. Donc, oui, bah, c'est le monde qui bascule dans le libéralisme, on va dire, même dans l'ultralibéralisme, dans toutes les doctrines libérales économiques qui commencent à. Qui commencent à régir la politique culturelle elle-même. Bien sûr, donc vous avez Reagan, vous avez Thatcher, etc. Mais même des gouvernements de gauche, comme le gouvernement Mitterrand, qui a beaucoup fait pour la culture, populaire, pour la démocratisation de la culture, à la suite de Malraux, est gagné par cette idéologie libérale, cette idéologie qui veut que finalement, tout doit être rentable et profitable. Et même une institution comme un musée, il faut que ça rapporte des sous. Pas question d'avoir un musée vide, parce que voilà, pour une petite élite, pour des gens qui viennent de temps en temps voir un tableau, il faut que ce soit rempli, qu'il y ait toujours du monde, qu'on puisse payer le personnel, que ce ne soit pas des gouffres financiers pour les finances publiques. Donc voilà, tout doit être rentable, même l'école, même les services publics, le chemin de fer, même la télévision, Ça c'est les années 80. C'est aussi une décennie où les gens en général, surtout en Europe, on avait plutôt une conception assez pudique, je dirais, de l'argent, où la richesse ne s'affichait pas parce que c'était effectivement mal considéré, mal vu. C'est pas un parvenu, par quelqu'un d'un peu vulgaire, si on affichait son argent et son succès. Tout à coup, tout ça bascule, c'est a fait les campagnes électorales de d'ailleurs, dans la gauche, qui apporte le pouvoir, qui dit s'il y a 50 ans, on n'a pas une Rolex et qu'on a raté sa vie, c'est l'ère Sarkozy qui s'annonce, etc. Et en même temps, il y a effectivement là aussi un afflux d'argent massif qui arrive, notamment dans le monde de l'art, surtout dans le monde de l'art, qui jusque-là était un petit monde feutré, comme je le disais, hein, jusqu'aux années 60-70, c'est un petit monde feutré, un petit monde un petit peu intimiste, certainement militaire, qui ne concernait pas beaucoup de monde, il fallait vraiment être un spécialiste pour s'intéresser à l'art contemporain, qui se rendait pas d'ailleurs, c'est pas facile, il y avait quelques marchands à Paris, même si on avait encore une capitale de l'art. C'était rien à voir avec ce qu'on a connu vraiment, mais en quelques années. Et c'est pour ça que le film, donc Les Mots de l'art, est intéressant, parce que ça montre justement, 10 ans après, ce nouveau paysage qui s'est complètement redessiné, reconfiguré. Et toutes les critiques que les sociologues portaient sur ce petit monde de l'art feutré, un peu en mitin comme ça, un peu hypocrite, qui ne veut pas parler d'argent parce que c'est vulgaire, mais en fait tout le temps là pour l'argent, etc. Ça n'a plus lieu d'être puisque tout à coup, les gens eux-mêmes affichent ça. Les gens eux-mêmes affichent leur succès. Ils disent oui, bien sûr, je verse le ventre pour acheter, pour montrer que j'ai du fric, pour montrer que je suis puissant. J'y vais en plus pour investir en espérant effectivement me faire plein de thunes avec l'art que j'achète. Donc, tout l'univers mental bascule. Donc, voilà. Plus d'argent aussi, comme je le disais, l'argent sale, hein, comme on verra sur le reportage, c'est aussi l'occasion de laver de l'argent très propre, puisque les choses se passent comme ça du lendemain et que, avec des valeurs qui n'ont rien de garanti, c'est comme ça. On peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, l'œuvre avec laquelle on est, elle est légitime, puisqu'on peut prouver qu'on l'a achetée. C'est donc des tas d'opérations comme ça. C'est tous les nouveaux millionnaires russes qui apparaissent aussi dans les années 80. Et donc, il y a une spéculation mais effrénée qui se déchaîne dans ce monde-là. Tout le monde veut devenir marchand, tout le monde veut devenir artiste, de nouveau. Et effectivement, les jeunes artistes inconnus 6 mois avant vendent leurs œuvres très chères, se trouvent en couverture des magazines People. C'est vraiment une révolution à laquelle on assiste là et qui fait que tout change. Alors du coup, la critique, pour revenir à ça, parce que j'ai parti là, la critique aussi change, évidemment. Donc la critique d'art cède la place à la réclame. littéralement. Donc on va plus avoir des petits magazines en noir et blanc, enfin, des brochures, des revues assez confidentielles et spécialisées qui va parler de manière assez savante et en même temps parfois assez dure même de certains artistes en disant ça c'est bien, ça c'est la crotte, ça ne vaut rien. Non, là il n'y a plus que voilà, il n'y a plus la pommade, on passe la pommade. C'est des magazines sur papier couché, papier glacé, en quoi chromie, et qui ont plus de pages de publicité d'ailleurs que de pages de rédactionnel, où l'information, c'est-à-dire donc oui, l'annonce d'exposition, voilà, il y a telle exposition qui se tient à tel endroit, il faut absolument la voir. Il y a tel artiste qui fait ça, il y a même les résultats des ventes aux enchères, tel artiste a encore battu un record, sa dernière œuvre a fait du temps. Donc, et il n'y a quasiment plus de critiques, parce que si un peu ces journaux, ces magazines, ces magazines sont financés par la publicité. Et la publicité, ce sont les marchands et ce sont les institutions qui leur fournissent ces publicités. Donc si tout à coup ils se mettent à critiquer leurs annonceurs, donc il n'y a plus d'indépendance, et donc là aussi ça change évidemment complètement la donne. Et tout change, tous les rôles changent, même sont un peu interchangeables en quelque sorte. Le conservateur de musée, bon, on l'a vu au départ, c'était quelqu'un qui était le responsable des collections, et donc c'était un artiste, un académicien lui-même. Puis au 19e siècle, le siècle de l'histoire, ça devient un historien de l'art, parce que c'est plus important de mettre en ordre et en valeur les collections plutôt que de les conserver et les étudier. Il s'agit de faire des expositions qui racontent la grandeur de la nation. Puis voilà, donc il y a une dimension là aussi édifiante, sanctuaire et nationale. C'est à chaque fois aussi la gloire nationale. C'est le combat entre le Louvre et le British Museum, savoir qui a trouvé les collections. Voilà, c'est les musées qui sont enrichis par des pillages à l'occasion des conquêtes, toutes les colonies. Bon, voilà. Il faut donc un historien de l'art, parce que l'histoire de l'art est justement ce qui légitime la puissance d'une nation par rapport aux autres. Et l'histoire que racontent ces expositions, ces collections de musées, là aussi, vont dire la grandeur et la légitimité aussi de ces musées à posséder ces chefs-d'œuvre. Encore aujourd'hui, lorsque la Grèce ou d'autres pays réclament la restitution de certaines de leurs pièces, que disent ces grands musées qui en sont les possesseurs? C'est vrai, ça vous appartient peut-être en droit, mais en réalité, nous, au moins, on sait comment s'en occuper, on sait comment les préserver, c'est nous les garants, finalement, de ce patrimoine-là. Vous les rendre, qu'est-ce que vous en faites? Vous n'êtes pas capable. C'est toujours cette même logique, donc, de cette grandeur, de cette compétence, mais aussi de... Voilà, qui marque aussi le statut, bien sûr, supérieur de ces nations qui ont ces grands musées par rapport à l'histoire de la civilisation. Ils sont bien l'aboutissement de la civilisation. Et au XXe siècle, fin du XXe siècle, là aussi, fin des années 60-70, on va voir que, justement, et puis années 80, on va voir que ces conservateurs de musées vont de plus en plus être... Des commissaires d'exposition. Encore une fois, plus qu'avoir une collection permanente qu'on montre, et puis les autres pièces sont dans de réserve pour les étudiants qui veulent vraiment étudier certaines œuvres en particulier, et à qui on donne accès à ces réserves. Le musée, ça devient une galerie d'art. Il faut renouveler régulièrement les expositions, parce que c'est ça qui fait que les gens font un peu d'argent aussi dans le musée. Les pièces d'ailleurs souvent sont prêtées, parce que si on a évidemment de plus en plus, quand on fait une grosse exposition, ça coûte cher, et donc on va essayer de la montrer dans 4, 5, 6 musées. Donc on va voyager ces pièces, on va aller dans un musée, et puis même les pièces historiques du musée, parfois on ne peut pas les voir parce qu'elles sont, elles sont en déplacement dans telle exposition ailleurs dans le monde. Et donc cette fonction-là de commissaire d'exposition prend le pas vraiment sur celle de conservateur, d'une part, et d'autre part, se crée aussi la fonction même de commissaire d'exposition indépendant, de curateur, comme on dit, hein, curator. C'est en français aussi, curateur. Donc, c'est pas quelqu'un qui règle les faillites des entreprises, c'est quelqu'un qui donc, monte des expos en tant qu'artiste, je dirais presque, ou du moins qui est responsable de, voilà, d'organiser, de monter une exposition. Ce sont des auteurs d'exposition. Ils ne sont pas les auteurs des œuvres, bien sûr, mais ils sont l'auteur de la scénographie, de la mise en scène, de l'histoire que raconte cette mise en dialogue de ces œuvres, de l'histoire que raconte cette exposition. Et donc, ces commissaires indépendants, là aussi, ça peut être un critique d'art, ça peut être un grand collectionneur, ça peut être un écrivain, ça peut être un historien de l'art professionnel ou un critique d'art. Donc, voilà, donc il commence à y avoir une interchangeabilité des rôles. Les grands collectionneurs veulent leur propre musée. Alors, ou bien ils donnent effectivement une partie de leur collection à un musée, mais ils exigent qu'il y ait une salle à leur nom, donc c'est comme s'ils avaient leur musée dans le musée. C'est un problème que ça peut poser. Ou bien, si ça ne marche pas, bah, c'est pas un problème. Donc, ils vont effectivement faire une fondation, quelque chose comme ça, qui va réunir leur collection, qui vont ouvrir au public. Et effectivement, il y a des collections, des musées privés qui sont parfois plus riches, mieux dotés, avec des plus belles grandes collections que certains musées publics. Donc voilà, donc, ouais, tout est un petit peu interchangeable, y compris donc ces commissaires d'expo qui, quelque part, briguent même le statut d'artiste. Donc voilà, donc, là, c'est toujours une discussion là-dessus. Est-ce que ce sont des artistes à part entière, mais seulement qui travaillent avec les œuvres des autres, ou bien, ou pas. Enfin, c'est juste effectivement des gens qui montent des expos, tout simplement. Mais voilà, donc les statuts d'auteur, effectivement, pour ces commissaires d'exposition, posent. Enfin, est sujet à débat. Et donc vous avez des stars là aussi, hein, bien sûr, dans ces commissaires indépendants. Voilà, pour le premier qui s'est fait un nom, qui était quelqu'un absolument remarquable, c'était Harald Zeman, qui est un petit peu la figure de proue, le modèle de ce que c'est qu'un commissaire d'exposition en tant que nouveau métier, quoi, une nouvelle profession qui s'est créée dans le monde de l'art. Voilà, et puis ben, après, il y en a plein effectivement qui sont régulièrement sollicités pour monter des expos, même s'ils ne sont pas attachés à une institution en particulier. Alors, ce monde de l'art, il est organisé, ça on le verra dans la seconde partie du cours, donc on verra justement cette organisation, cette structuration du monde de l'art. Bon, il faut savoir qu'on parle d'art contemporain aussi, c'est important, c'est déjà l'objet de lutte, de concurrence, de définition, parce qu'effectivement... lorsqu'on organise une exposition d'art contemporain, ou lorsque l'on a une galerie d'art contemporain, ou lorsque on fait une biennale d'art contemporain, etc., que veut dire art contemporain ? Ce n'est évidemment pas l'art qui se fait aujourd'hui. C'est aussi un label qui désigne un certain type d'art. Qui s'inscrit dans la suite de l'art moderne, qui est un art qui a différentes caractéristiques, parce qu'il n'est pas non plus homogène, c'est un type, mais en fait c'est plusieurs types, mais qui sont acceptés par le monde, donc par les acteurs légitimes du monde de l'art contemporain. Donc c'est un monde de cooptation, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait que vous allez être accepté dans une galerie d'art contemporain, enfin, qu'on va vous accepter un petit peu comme au salon c'est pas le fait que vous peigniez bien ou pas, c'est pas le sujet de ce que vous peigniez, c'est quoi finalement, c'est pas le genre, c'est pas le thème, c'est pas... voilà, ça se fait par cooptation. Alors je dis pas que ça se fait sans critères et de façon arbitraire, hein. Il y a des conventions, il y a une connaissance de l'histoire de l'art, il y a des éléments qui doivent être présents. Tout art contemporain est nécessairement conceptuel quelque part, au sens où il est forcément référentiel, où il fait référence à l'histoire de l'art lui-même, où il est conscient qu'il s'inscrit dans une histoire de l'art, donc c'est pas un art naïf, c'est pas... Voilà. Donc il y a effectivement une série de, de, de critères qu'on peut identifier pour dire objectivement, bah, l'art contemporain, c'est un art qui satisfait à telle et telle et telle et telle condition. Mais c'est tellement vague et vaste, et surtout que bon, bah, les artistes qui veulent se faire un nom, bah, ils vont justement jouer avec ces catégories, ils vont vouloir justement en inventer de nouvelles. Enfin, c'est ça, l'art contemporain, c'est ça aussi, c'est aussi un travail pour redéfinir à chaque fois ce que c'est que l'art contemporain. Pas pour transgresser des règles nécessairement, mais parce qu'on veut étendre le domaine de l'art. Voilà. Et c'est bien normal. Le seul critère, en quelque sorte, c'est compliqué, hein, mais le seul critère sociologiquement parlant, c'est de dire, voilà, c'est le résultat d'une, d'un consensus, voilà, d'une cotation par les pairs, mais aussi par les acteurs du monde de l'art légitime. Voilà. Et c'est compliqué parce qu'effectivement le monde de l'art, il est, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui coexistent, et qui s'ignorent d'ailleurs la plupart du temps. Vous avez des loueurs de cinèse qui vont présenter un certain type d'art qui peut plaire, qui n'a pas de qualité, mais qui n'apporte rien à l'histoire de l'art, ou qui n'apporte pas à l'histoire de l'art, ou ça s'écrit en dehors de l'histoire de l'art. Vous avez des galeries d'art qui présentent des artistes qui sont des artistes amateurs parfois. Vous avez des galeries professionnelles qui présentent des artistes professionnels, donc qui essayent de vivre de leur art, ou en tout cas qui ont une activité artistique régulière, qui exposent régulièrement leur travail, mais dont la qualité, l'intérêt, la pertinence fait qu'ils ne sont pas vraiment considérés, simplement, ils ne vont pas avoir des articles dans les revues qui comptent, les collectionneurs qui comptent ne vont pas s'intéresser à eux, etc. etc. Les galeries, du coup, non plus. Donc c'est une lutte permanente, évidemment, pour les artistes de pouvoir pénétrer successivement dans chacune de ces sphères. Une sorte de plafond de verre comme ça pour ces artistes, les gens, ils sont bloqués à tel niveau, d'autres, et ils doivent développer des stratégies, des tactiques s'ils veulent, évidemment, ils peuvent aussi avoir une niche, être très très bien dans leur niche, si je puis dire, et avoir leur clientèle, et vivre même mieux de leur art que certains artistes qui sont, des articles dans des grands magazines spécialisés, qui sont dans, parfois même un musée, mais qui n'ont pas une grande clientèle et qui ont du mal à vivre de leur art. Tous les cas de figure sont possibles, mais ça on verra dans un peu la sociologie de ce monde-là. Ce que je veux dire, c'est que art contemporain, donc c'est un label, et qu'il y a une lutte, permanente, donc notamment entre les galeries. Une foire d'art, c'est dirigé par des galeries, ce sont des galeries, c'est un cartel de galeries qui constitue le conseil d'administration de la foire et qui décide quelles sont les galeries qui sont admises ou non. Et en fonction de quoi? On va dire en fonction de la notoriété des artistes, en fonction de l'importance de leurs collectionneurs, en fonction de leur chiffre d'affaires, en fonction de plein de choses. Mais en gros, ce sont des galeries qui pratiquent le même type d'art que ceux qui sont les organisateurs de la foire. En gros, c'est un milieu aussi. C'est un milieu qu'il faut pouvoir analyser et comprendre en soi. Et donc, il y a effectivement comme ça plusieurs mondes de l'art contemporain, comme je le disais, qui signent. Vous avez l'ouverture des galeries. Chez Janssen, etc., etc. Vous allez avoir d'ailleurs dans la galerie une petite brochure qui va vous reprendre toutes les galeries d'art contemporain, en réalité, celles qui sont cotées et qui ont pu se payer une cotisation pour être dans cette brochure-là. Et vous allez venir rencontrer les mêmes gens dans ce lieu-là que dans une exposition, je voudrais dire du péjoratif, d'ailleurs, c'est la même péjoratif, c'est une autre catégorie qu'une galerie au Sablon, qu'une galerie Mont des Arts, ou. Et même si on vous voit là, c'est un petit peu gênant. Et même les artistes eux-mêmes, il y a des artistes que je connais très bien, pour l'instant n'ont pas de galeries. Il y a bien des galeries qui veulent bien, même des galeries qui sont dans cette catégorie-là, qui veulent les montrer, mais ils font la fine bouche, parce que c'est juste D'accord, j'ai besoin d'exposer, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de mon travail, mais si je retourne à cette galerie-là, je vais me brûler. Parce qu'elle n'est pas considérée comme étant le top du top, la crème de la crème, et donc je préfère continuer encore à galérer 5 ans, mais essayer quand même d'être plutôt dans cette galerie-là plutôt que dans celle-là. Donc c'est extrêmement dur, c'est un monde extrêmement hiérarchisé, extrêmement dur et extrêmement compétitif. Et en plus, c'est une concurrence internationale, parce que le monde de l'art contemporain, il est devenu international aussi depuis les années 80, c'est-à-dire que, bon, relativement, en Angleterre, vous allez à des foires d'art en Angleterre, vous allez avoir que des artistes anglais qui vont voir que des collectionneurs anglais, en gros, ben voilà, c'est comme ça. Mais, bon, en général, vous trouvez les mêmes artistes internationaux, surtout des foires internationales, avec des galeries qui font plusieurs foires internationales, etc. Du coup aussi, bah, le marché qui s'étend, un artiste qui marche, un artiste qui a 15 expositions par an, des grosses expositions, donc il a besoin aussi d'avoir l'atelier, d'avoir des assistants, d'avoir des gens qui produisent presque pour lui. Mais de la même façon que le faisait Rubens et d'autres qui étaient de leur temps aussi, des artistes qui avaient beaucoup de succès, qui étaient très demandés, bah, ils ne gagnaient pas les grandes compositions eux-mêmes, hein, on sait bien, ils gagnaient une partie. Puis leurs assistants qui peignaient le gros du tableau, ils venaient, ils faisaient quelques retouches, ils peignaient les choses qui étaient typiques de leur manière, voilà, les yeux, le regard, les mains parfois, il fallait que ce soit l'artiste lui-même parce qu'on reconnaissait sa touche, mais voilà, c'était des œuvres collectives aussi quelque part, hein, donc c'est pas nouveau. C'est effectivement le système économique qui veut ça. Quand vous devez effectivement produire 300 tableaux par an, vous engagez les gens pour vous aider, pour vous assister, même pour trouver des idées, et parfois pour peindre presque à votre place. Ça, on le verra aussi dans le reportage. Donc, cette idée effectivement de l'artiste comme d'un entrepreneur, c'est un modèle d'entreprise aujourd'hui. Quand ça marche, hein, quand ça marche pas, c'est un chômeur. Et quand ça marche, voilà, effectivement, il y a cette nécessité tout à coup, effectivement, il y a un changement d'échelle et il y a une nécessité, effectivement, de devenir un entrepreneur. Et un entrepreneur qui doit, surtout, comme on l'a vu la semaine dernière aussi, cultiver son image, sa personnalité, sa personne, hein, donc cultiver son image de marque. C'est lui qui doit être en vedette aussi, quelque part. Donc il y a cette forme-là aussi de médiatisation qui est très très importante aussi. Hein, donc, le travail de l'artiste, c'est aussi le travail qu'il fait sur sa propre image, sa propre représentation que les médias se font de lui. Donc voilà, donc il y a une dimension aussi de mode. Hein. On peut dire que c'est aussi l'art contemporain, c'est aussi régi par des mécanismes de mode, du coup, bien sûr, aussi. Pour chaque année, à venir avec de nouvelles choses, de nouvelles tendances. Un collectionneur qui a acheté une pièce à un artiste l'année d'avant ne va pas racheter une autre pièce au même artiste l'année d'après, ou alors il faut faire autre chose. Des choses que tout le monde a voulu pendant 10 ans, plus personne n'en veut la 11e année, et l'artiste n'en a encore plus parlé pendant 10 ans, puis il va peut-être revenir. Enfin, voilà, c'est cyclique, c'est des engouements comme fonctionne le monde de la mode. Voilà. Alors je vais. Ah oui. Je pensais que vous me mettez ça en 20 minutes. On va faire une petite pause, et puis je vais passer le film de Une Belle Voix. Donc cet artiste belge, vous allez découvrir dans le petit reportage qui fait 26 minutes, qui est très intéressant, et qui pour moi incarne vraiment cette figure de l'artiste contemporain, avec toutes ses caractéristiques, et qui doit évoluer dans ce monde-là que je viens de décrire. Et puis après ça, j'introduirai alors le documentaire Le Monde Là, je vous montrerai déjà ce que je peux vous montrer de ce documentaire. Donc voilà, donc maintenant, profitons maintenant d'un maximum de répit, 10 minutes, hein, voilà, ça me laisse le temps